Bonjour, linguists. Welcome to French Pod. I'm Erica. Bonjour à tous, chers amis. Je m'appelle Amaury. We're doing an intermediate lesson and we're going to go on the TGV today. Oui, c'est ça, le train, un moyen de transport très utilisé par les Français. It's the way to get around France, really. Oui. So TGV, what does that stand for? Train grande vitesse. Super fast train. Ouais. All right, well, we got a girl inside the TGV and she's made kind of a mistake. So she's going to go talk to Monsieur le contrôleur. Monsieur le contrôleur. Who's what, the guy that... La personne qui contrôle les billets. Okay, so let us listen in. Je vous cherchais, monsieur le contrôleur. Vous m'avez l'air perturbé, que se passe-t-il? Vous ne me croirez jamais, je me suis trompé de train. Comment ça, vous n'allez pas à Strasbourg? Bien sûr que non, je devrais être dans le TGV pour Nantes. Ma pauvre dame, non seulement vous êtes dans le mauvais train, mais en plus, ce train va dans la direction opposée. Je vous conseille de descendre à la prochaine gare. Et de reprendre un train pour Paris, et ensuite un autre pour Nantes. Mais je n'arriverai jamais à temps pour mon rendez-vous. J'en suis navré, madame. Malheureusement, c'est la seule solution. C'est une catastrophe. Et ben voilà, c'est la vie. Wow, quelle catastrophe. Ben oui. Gotta pay attention. That's what happens, right? C'est marrant aussi, en plus, dans les directions opposées. So, she went up to Monsieur le Contrôleur. And according to Monsieur le Contrôleur, she is not look happy. Cette dame a l'air perturbée. First of all, vous m'avez l'air, tu m'as l'air, you seem to me. Oui. You seem a little, tu m'as l'air, vous m'avez l'air, here what? Perturbée. A false friend. Attention. Attention. Because perturbed in English means like mad, angry, annoyed. But in French, it means more like worried. Tout à fait. Distressed. Inquiet. Anxieux. Tout à fait, anxieux également. So, que se passe-t-il? Pourquoi elle a l'air perturbée? Elle va raconter son histoire et elle dit, vous ne me croirez jamais. This is like a fixed expression, right? Oui. You'll never believe me when I tell you what just happened. Vous ne me croirez jamais. You're not going to believe this one. So what aren't we going to croire? Elle s'est trompée de train. Okay. Se tromper de something. C'est ça, quand on fait un mauvais choix. Yeah, so the wrong one. Je me suis trompée de train. Or... Un autre exemple, ce matin, en partant de chez moi, je me suis trompé de clé. Okay, so you're not going to be getting back in tonight, are you? Non. And that's too bad, because ce train-là, that they're on... Il va à Strasbourg. Okay, but she, elle devrait être... Dans le TGV pour Nantes. Pour Nantes, another city. Oui, qui se trouve à l'ouest de la France... comparé à Strasbourg qui est complètement à l'est. So, that's bad news. Oh, ma pauvre dame, he says. Says le contrôleur, ma pauvre dame. Who would say this? C'est particulièrement les gens qui sont là pour vous fournir une aide et qui travaillent dans le service public. Okay. When they're about to tell you something you don't want to hear. Oui. If you're a woman, they'll say, oh, ma pauvre dame. Quand il vous est arrivé un événement négatif. Right. Why is he saying, mon pauvre dame to her? Donc, en quelque sorte, elle a deux problèmes. Ok. Non seulement c'est le mauvais train. Et en plus... Ce train va dans la direction opposée. Comme on l'a vu, là, il se dirige vers l'est alors qu'elle devait aller vers l'ouest. La direction opposée. Oui. So, what's his advice? Donc, il lui conseille de descendre à la prochaine gare. So, you conseillez à quelqu'un de faire quelque chose. C'est ça. For example, je conseille à Amaury de listen to me. Je t'écoute toujours. Oh, ok. Well, yeah, because je t'ai conseillé de le faire. Or what's another example? Je conseille toujours à Erika de faire attention à ses affaires. Parce que j'ai toujours perdu sa carte de banque. Sometimes other things. Ok, so conseiller à quelqu'un de faire quelque chose. And le contrôleur, il lui conseille de... What? Descendre. Get off. Where? À la prochaine gare. Then what? Et après, qu'est-ce qu'elle doit faire? Reprendre un train pour Paris. And then, she's going to reprendre un train pour Paris. Where she started, sounds like. And then... Et ensuite, un autre train pour Nantes. It's a problem for her, right? Not only because it's super inconvenient, mais... Mais en plus, elle n'arrivera jamais à temps pour son rendez-vous. À temps, before it's too late. Elle n'arrivera jamais à temps if she has to descendre, and then reprendre, and then une autre. Oh. But hey, il est navré. Bah oui, c'est tout ce qu'il peut lui dire. J'en suis navré. So navré Désolé, right? C'est plus fort encore que okay. désolé. Oui. Like, I'm really sorry. Oui. Je suis navré. Oui. He says, j'en suis navré. Les deux sont possibles. Ok, j'en suis navré. Sorry. But, you know, c'est la seule solution. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une catastrophe, mais... C'est la vie, Erika. Et ben voilà, c'est la vie. And you know, she's the one. C'est elle. Oui. Qui s'est trompée de train. Le pauvre contrôleur ne peut pas faire plus. Oui, you know. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est réécouter le dialogue maintenant. Je vous cherchais, monsieur le contrôleur. Vous m'avez l'air perturbé. Que se passe-t-il? Vous ne me croirez jamais. Je me suis trompé de train. Comment ça? Vous n'allez pas à Strasbourg? Bien sûr que non. Je devrais être dans le TGV pour Nantes. Ma pauvre dame, non seulement vous êtes dans le mauvais train, mais en plus, ce train va dans la direction opposée. Je vous conseille de descendre à la prochaine gare. Et de reprendre un train pour Paris, et ensuite un autre pour Nantes. Mais je n'arriverai jamais à temps pour mon rendez-vous. J'en suis navré, madame. Malheureusement, c'est la seule solution. C'est une catastrophe. Et ben voilà, c'est la vie. Let's talk a little bit about the TGV. Oui. Les trains grande vitesse en France. How long has it been around, by the way? Les premiers qui ont commencé à circuler, c'était en 1981. So not so long. Less non. than 30 years ago. C'est assez récent, oui. Et alors les Français sont très fiers de leur TGV, de ces trains à grande vitesse. Pourquoi? Parce qu'ils sont très fiables. In what way? Like, they're always à temps? Oui, voilà. Généralement, ils sont à temps, exactement. Et en plus, ils permettent de parcourir des distances très rapidement. How much faster are they than the old trains? Les TGV permettent de diminuer le temps passé dans le train par deux. And they're not so expensive. They're cheaper than planes, for sure. Oui. Et donc, on est très fiers aussi, puisque c'était le premier pays où ces trains à grande vitesse ont été installés. Now other countries have them too. Oui, commencent à les avoir. Mais comme en France, ça a commencé il y a 25 ans, ils sont répandus dans tout le pays. On peut circuler partout en France en TGV. That's one thing you gotta say about France, is they have fantastic transportation system. C'est vrai. Even in the cities too. Aussi, ouais. The TGV is great too because you don't have to drive out to the airport. You get right in the center of town. Voilà, c'est pour ça qu'il est vraiment bien adapté en France. Yeah. All right, well, if you have any questions or you want to talk about your own experience in the TGV, come to frenchpod.com. You can talk to us in French or in English. We'll be happy to answer your questions and read your comments. Let's start a conversation. Merci. À bientôt.